بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الخامس في الشرح على كتاب الصيام من عمدة الأحكام. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce cours numéro 5 dans l'explication du chapitre du jeûne tiré de Manhaj al-Salikin. وقد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمفطرين في رمضان مع كونهم أو ورأينا في الدرس الماضي حال المفطرين في رمضان دون عذر. Nous avons vu lors du cours précédent le sujet de ceux qui vont rompre le jeûne pendant la journée de Ramadan sans excuse. فنواصل في القراءة. On continue la lecture et l'auteur qui nous dit رحمه الله وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. Et donc l'auteur qui nous dit et il dit, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que les gens ne cessent d'être dans un bien tant qu'ils accourent pour rompre le jeûne. Et donc tant qu'ils se précipitent à rompre le jeûne. Muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fi hadha al-hadith ma yahussuna ayyuha al-ikhwa ala ta'jil al-fitr. Khilafan lima waqa'a fihi ar-rawafid. Il y a dans ce hadith le fait, ô chers frères, d'accourir et de se précipiter lorsqu'on va rompre le jeûne. Contrairement à ce que faisaient les Rawafid, qui eux retardaient la rupture du jeûne. Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, comment se passe la rupture du jeûne aujourd'hui, bi'iznillah, avec un autre hadith qu'a cité l'auteur. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous dit Tasahhar, waqal tasahharu, fa inna fi suhuri baraka, muttafaqun alayhi. Et donc il nous dit, rahimahullah, et il dit, c'est-à-dire encore une fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faites le suhur, donc prenez le suhur, ou du moins prenez le sahur. Donc le sahur, c'est le repas du suhur, c'est le repas qu'on prend avant l'aube, juste avant l'aube. Et donc prenez le sahur, car il y a dans le suhur une bénédiction. Et donc le sahur, c'est le nom du repas. Le suhur, c'est l'action, le fait de prendre le repas. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fafi hadha al-hadith, istihbab al-suhur. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de prendre le repas du sahur. Car il y a dans celui-ci une baraka. Al-baraka ayyuhal ikhwa huwa al-ikthar min al-khayr. La bénédiction, ô chers frères, c'est l'augmentation du bien. فَهَذَا السُّحُرْ فِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَهُوَ كِثِيرٍ. Et donc ce repas qu'on va prendre avant l'aube, il y a beaucoup de bien dans ce repas. أَوَّلًا أَنَّ هَذَا الطَّعَمْ هُوَ مَعُونَةٌ عَلَى الصِّيَامِ. Premièrement, c'est que ce repas est une cause qui va nous permettre de nous aider à jeûner. لِأَنَّ الرَّجُلْ يَتَقَوَّ قَبْلَ دُخُولِ الصُّبْحِ. Car l'individu, il prend de la force et de l'énergie avant, justement, l'arrivée de l'aube. وَكَذَلِكَ مِنْ بَرَكَةِ هَذَا الطَّعَامِ أَنَّ آكِلَهُ مُدْرِكٌ لِوَقْتٍ فَاضِلٍ أَلَا وَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ. Et parmi les éléments qui montrent la bénédiction de ce repas, il y a le fait que celui qui prend ce repas, c'est une personne donc qui va être réveillée à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, et c'est un moment qui est noble. Pourquoi? Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il descend chaque nuit au dernier ciel et Il dit tabaraka wa ta'ala, man yad'uni fa astajiba lah, qui m'invoque afin que je lui exauce. Man yas'aluni fa u'tiya, qui me demande afin que je lui donne. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Fa hadha al-mustayqidh qad yad'u rabbahu tabaraka wa ta'ala qabl an ya'kula ta'amahu aw ba'dahu. Et donc cette personne qui est réveillée à cette heure pour prendre son repas peut très bien invoquer son Seigneur tabaraka wa ta'ala avant le repas ou après celui-ci. Wa kadhalika fi hadha al-amr tadhkir ayuha al-ikhwa. Fa inna al-kathira min al-ikhwa idha ja'a ramadan tarahum yastayqidhun. Yastayqidhun li hadha as-suhur. Il y a beaucoup de nos frères ou chers frères, lorsque le mois du Ramadan arrive, alors nos frères, ils se réveillent pour ce repas. Ils se réveillent pour prendre ce repas. Avant le jeûner. Taïb, wafirai le Ramadan. Fa'idha qila lahum, alaykum, alaykum bi akhiri al-layl. Fala yastati'u. Mais durant les autres mois que Ramadan, lorsqu'on leur dit, oh chers frères, vous devez vous réveiller à la fin de la nuit pour invoquer votre Seigneur, ce moment est un moment important. Alors il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et donc, chers frères, nous devons corriger ce problème. Nous devons corriger cette problématique. Le fait que pour le repas, pour remplir notre ventre, nous arrivons à nous lever. Mais pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, cela est difficile. Toute personne qui ressent en lui ce problème doit faire les efforts, les causes nécessaires pour essayer de le corriger. Naam. وكذلك في السحور أيها الإخوة أمرا عظيما أي أو أمر عظيم ألا وهو عدم أو ألا وهو مخالفة أهل الكتاب. Certes, il y a dans cet acte, c'est le repas que on prend avant l'aube, un point essentiel et important, qui est le fait de ne pas faire comme les gens du livre. Le fait de ne pas faire comme les gens du livre. أخرج مسلم في صحيحه عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. Il y a donc dans le recueil de l'imam muslim, selon Amr ibn al-As, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: la différence qu'il y a entre notre jeûne, donc le jeûne des musulmans, la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du sahur. Donc le repas du sahur. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ce point essentiel. Un des fondements de notre religion, le fait de ne pas faire comme les gens du livre. Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs passages de son livre, nous appelle à ne pas faire comme eux. Nous appelle à ne pas faire comme eux. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les éclaircissements clairs leur soient parvenus. Et ceux-ci auront un châtiment terrible et douloureux. نعم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال من تشبه بقوم فهو منهم. Et aussi le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: celui qui ressemble à une communauté, alors il fait partie d'eux. فينبغي على المسلم أيها الإخوة أن يحرص في عدم التشبه بالكفار. Et donc il est important, chers frères, il convient aux musulmans de s'efforcer de ne pas ressembler aux gens, aux incroyants. Fa Ramadan tarbiyatun lana. Et donc le mois de Ramadan est une éducation pour chacun d'entre nous. Nous devons nous éduquer, méditer sur ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu obligatoire durant ce mois, sur les éléments qui sont recommandés durant ce mois, sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce mois, concernant le jeûne, afin d'en profiter durant toute l'année. Cela est très très important. Barakallahu fikum. Et il faut savoir donc que Ahlul Kitab, al-waridu anhum, annahum, ou annahum ya'kulun, fi nasfil layl. Les gens du livre, ce qui est connu d'eux, c'est qu'ils vont manger avant la moitié de la nuit. Après cela, Donc ils commencent le jeûne. Après cela commence leur jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité. Il nous a accordé une facilité qu'il n'a pas accordée aux autres communautés. Et donc il nous a accordé une facilité qu'il n'a pas accordée aux autres, qui est le fait donc de pouvoir prendre ce suhoor, le fait de pouvoir prendre ce repas avant l'aube. وفي هذا أيها الإخوة أيضا الرد على بدعة الإمساك. Il y a aussi en cela, oh chers frères, la réplique quant à l'innovation de l'imsak. Si vous prenez vos calendriers, vous allez voir parfois Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, les calendriers des prières. Et aussi, vous allez voir parfois, on voit aussi Shuruq, excusez-moi, entre Dhuhr et Fajr. Mais avant le Fajr, parfois, c'est marqué, il y a une colonne où c'est stipulé l'imsak, particulièrement pendant Ramadan, l'imsak. Et donc, ils nous préviennent d'un temps défini pour rompre, pour jeûner, pour commencer le jeûne avant l'arrivée du Fajr. Avant l'arrivée du Fajr. Pourquoi? Parce que c'est plus sûr. C'est plus sûr. Et ça, c'est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Inna bilalan yu'adhinu bilayl »« Certes, Bilal fait l'adhan pendant la nuit. »« Fakulu wa shrabu » Hatta yu'adhina Ibn Ummi Maktoum. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le Eden. Et donc, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut manger jusqu'au Eden du Fajr. Et donc, est-ce que ces gens-là qui nous ont ramené l'Imsek, ce temps-là, ce moment qui a été rajouté, est-ce que ces gens-là sont plus attentionnés que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ces gens-là veulent plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la validité de notre jeûne? Ont-ils plus peur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant nos actes d'adoration? Et donc, ici, j'appelle tous nos frères à méditer sur cela, le fait que nous ne devons pas dépasser nos limites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une lumière claire et éclatante, nous montrer la vérité. Nous ne devons pas le précéder, sallallahu alayhi wa sallam. Cela est vraiment très important. بارك الله فيكم. Ensuite, l'auteur qui nous dit, رحمه الله وقال, إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة. Ensuite, il nous dit, رحمه الله, et il dit, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne. Donc, au moment de rompre son jeûne, là, c'est après le Maghrib. Et donc, lorsque l'un d'entre vous rompt son jeûne, alors qu'il le fasse avec une date, et s'il ne trouve pas, alors avec de l'eau, car celle-ci est purifiante. Car celle-ci est purifiante. Ayyuha al-ikhwa fi hadha al-irshad min al-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Amrun. Il y a dans cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam un point très important. Faqad jaa'a 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yuftiru 'ala rutaybat. Elle a été citée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il rompait son jeûne un petit nombre de dattes humides. Fa in lam yajid, s'il ne trouve pas, alors avec un petit nombre de dattes sèches. Et s'il ne trouve pas, alors de l'eau. Alors de l'eau. Et donc, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر مع طعام كامل. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne rompait pas avec un repas entier, comme on le voit à notre époque. Les gens, ils attendent le Eden, ils attendent l'heure de rompre le jeûne, ils sont déjà tous autour de la table avec des assiettes qui sont pleines, avec un festin. Ils ont jeûné toute la journée, ils ont le ventre vide, et directement au moment de rompre le jeûne, ils vont rompre avec un repas entier. Ceci est une erreur. Ce n'est pas correct pour ta santé. Ce n'est pas correct pour ta santé. Que tu aies le ventre vide et que tu rompes ton jeûne comme cela avec un grand repas. Non, Ali Kabil Khalil, prends un peu, quelques dates, et profite comme cela petit à petit, et après, bidnillah, tu pourras manger plus tard, Inch'Allah ta'ala. هذا أيضا. وأيها الإخوة ففي هذا الصيام تربية il y a dans ce jeûne une éducation pour chacun d'entre nous, une éducation pour chacun d'entre nous. أن الله تبارك وتعالى ماذا يريد منا, qu'est-ce que Allah il veut de nous pendant ce mois? Est-ce qu'il veut simplement qu'on ait faim, qu'on ait soif? Là, ليس هذا هو المقصود أو نعم ليس هذا هو المقصود من هذا الصيام, ce n'est pas ce qui est voulu par ce jeûne. فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الصيام لننال تقواه. Allah تبارك وتعالى nous a légiféré ce jeûne afin qu'on puisse atteindre la piété, afin qu'on puisse le craindre تبارك وتعالى. إذن أنت يا عبد الله استفد من هذا الشهر. Et donc toi, ô عبد الله, serviteur d'Allah, profite de ce mois, profite de ce mois béni, de cet acte d'adoration que tu fais, le jeûne, pour te rapprocher de ton Seigneur. Médite sur ce que tu fais quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, tu t'abstiens de la nourriture et de la boisson. Pourquoi? Médite. Sache, ô cher frère, que le fait de trop manger et de trop boire, cela t'éloigne de ce pourquoi tu as été créé. فقد خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى لم تخلق للأكل والشرب. Tu as été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas été créé pour manger ou boire. Tu n'as pas été créé pour cela. Et donc le fait de t'abstenir pendant ces journées de Ramadan, c'est pour toi une éducation. Le fait que tu comprennes que tu peux tenir debout sans forcément manger tout le temps. Tu peux tenir debout. Et donc, profite de cela. Profite de cela pour manger un peu. Un peu. Et continue ton acte d'adoration. Beaucoup n'arrivent pas, ils se disent comment je vais faire pendant les 10 dernières nuits pour rester éveillé toute la nuit, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est sûr que si au moment de rompre le jeûne, tu prends un grand festin, un grand repas, c'est sûr que ça va être difficile de rester debout. Ça va être très difficile, car cela est bien connu que après avoir rempli son ventre, l'être humain, la yuqimu salbahu, il n'arrive pas à se lever. Ça fatigue. Ton corps fait un effort. Ton corps fait un gros effort pour, justement, pour la digestion. Et c'est pour cela que vous voyez les nouveau-nés. Regardez, méditez sur ça, les frères. Les nouveau-nés. Le bébé, lorsqu'il vient de naître, et qu'il prend le lait, hein, et qu'il prend le lait, il s'endort tout de suite après. Il dort. Pourquoi? Parce que cela, ça demande un effort. Ça demande un effort. La digestion demande un effort. Et toi, le fait que tu manges beaucoup, ça demande un effort, tu ne le sens pas, mais ton corps, il travaille. Ton corps travaille, ça te fatigue. Ensuite, tu veux lire le Coran, tu veux finir le Coran, tu veux faire qiyam al-layl, tu veux prier pendant la nuit, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Pose-toi cette question. Est-ce que tu as trop mangé ou pas? Les frères, les sœurs, lorsqu'on parle de manger, cela ne veut pas forcément dire remplir son ventre. Cela ne veut pas forcément dire remplir son ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rompait son jeûne avec quelques dates, avec quelques dates. Aujourd'hui, on a des personnes, ils veulent donc appliquer la sunna. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rompre le jeûne avec quelques dates. Et tout de suite après, ils enchaînent avec le repas. Subhanallah, l'Ali al-Azim. Subhanallah. Et donc, ô chers frères, il y a vraiment pour nous une éducation dans ce jeûne. Et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons été créés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et pas pour manger. Profitons de ce jeûne pour éduquer nos propres personnes, pour éduquer nos âmes à délaisser ces délices que nous avons durant toute l'année et qui nous empêchent continuellement de nous rapprocher de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il nous cite un dernier hadith. Enfin, ce n'est pas le dernier hadith du chapitre, mais c'est le dernier hadith qu'on va voir ce soir, inshallah ta'ala. Il nous dit: wa qala sallallahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Et donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et mensongères, le fait d'œuvrer avec celle-ci, ainsi que le jahl. Ce qui est voulu par le jahl ici, c'est donc les actes qui font preuve de bassesse. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, donc celui qui fait cela, Allah tabaraka wa ta'ala, se passe du fait que celui-ci délaisse sa boisson et sa nourriture, rapporté par Al-Bukhari. Ayyuhal ikhwa, dhakarna lakum akthara min marra, as-siyamu tarbiyatun. Nous vous l'avons dit plusieurs fois, le jeûne est une éducation. Un enseignement, une éducation. Ce qui est voulu de nous, ce n'est pas simplement qu'on s'abstienne de manger et de boire. Mais ce qui est voulu de nous, c'est qu'on s'améliore pendant ce mois béni. Qu'on s'améliore dans notre adoration. Qu'on s'améliore dans la lecture du Coran. Qu'on s'améliore dans notre comportement avec les autres. Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et fausses. La yajuzul kadhib fi ghayri ramadan, lakinnahu fi ramadan ashad. Il n'est pas permis de mentir durant les autres mois que ramadan. Cependant, pendant ramadan, c'est encore pire. C'est encore pire. Cela, c'est pour t'inciter, ô serviteur d'Allah, à être véridique pendant toute l'année. Utilise ce mois béni pour t'améliorer et ensuite être beaucoup mieux pendant les autres mois, pendant le reste de l'année. Le fait d'œuvrer avec ces paroles mensongères, comme on l'a cité à la mosquée lors des cours d'aujourd'hui, donc celui qui va. On a cité des exemples de paroles mensongères, comme par exemple le fait de juger licite certaines innovations. Ceci est une parole mensongère. Et c'est pire que de mentir sur un être humain. Le fait de mentir sur la parole, sur Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de dire que ceci fait partie de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est faux. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi alors qu'il prépare sa place en enfer, dans le feu. Et donc cela est grave. Et donc ceux qui vont dire que certains actes sont légiférés alors que cela est faux, ceux qui vont faire les éloges des innovations et que cela n'est pas correct, cela ne fait pas partie de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, ils vont œuvrer avec cela. Il faut faire attention à ne pas mentir sur Allah, tabaraka wa ta'ala, à ne pas parler de sa législation en toute ignorance. Cela est encore plus grave que de mentir sur les gens. Et donc, celui qui fait cela, Allah, tabaraka wa ta'ala, se passe de son jeûne et du fait que celui-ci délaisse la boisson et la nourriture. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas de nous tout simplement qu'on ait faim ou soif. Ce n'est pas ce qui est voulu par le mois de Ramadan. Mais il veut qu'on s'améliore. Voilà pourquoi, mon cher frère ou ma soeur, vous devez chercher à vous améliorer. Nous devons tous chercher à nous améliorer pendant ce mois. Et il ne faut pas comprendre ici que Allah tabaraka wa ta'ala a besoin de nous, a besoin des actes d'adoration que l'on accomplit. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: Faman yahtada fa innama yahtadi li nafsi. Celui qui suit la guidée, alors il le fait pour lui-même. Wa man dalla fa innama yadillu 'alayha. Et celui qui s'égare, certes, il s'égare contre lui-même. Donc c'est important. Allah, il se passe de nous, de nos actes d'adoration et du fait qu'on suive la guidée ou pas. Il n'a pas besoin de nous. Innahu al-Ghani, c'est lui, el-Ghani, celui qui se passe de tous. Mais simplement, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre ici, avec les termes utilisés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne veut pas de nous simplement le fait qu'on ait faim ou soif, mais il veut qu'on s'éduque pendant ce mois béni, qu'on profite du jeûne. Tu veux parfaire ton jeûne, éduque-toi. Tu veux parfaire ton jeûne, sache pourquoi tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour manger, tu n'as pas été créé pour boire, tu as été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu veux parfaire ton jeûne, comprends ce principe fondamental. Et ainsi, tu vas t'améliorer, tu vas profiter de ce jeûne qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a légiféré. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on reprend ce cours bénéfique la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. On va finir ce chapitre. Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.